Audiomatique. Then, when the war began, people changed. One day across the valley, we saw houses burning and people fleeing from their homes. I was a young girl. My parents thought the church was safe because no one would be killed in the church. When we arrived, I could see the older people were very sad and upset. Everybody was scared. But nobody knew what was going to happen. Should know what they were there for. He said that all those who were there should be killed, that no one should survive. Shaking me with his foot to see if I was alive. He said, "This thing is dead," and so they left. once the dog was eating someone next to me. I threw something at the dog and he ran away. I hid in a small room. That's where I stayed and slept for 43 days. I felt a lot of pain. A lot of pain. Because my fingers had been chopped off. And my head had been cut. I was very sad because my family was all dead. Pour amorcer la transmission 3-8-5 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du groupe Tear Gas and Plate Glass. Nous entendions la pièce One Day Across the Valley, qui est extraite de l'album Black Triage, paru en 2007. Et pour ce qui est de la suite d'Audiomatic, voici la collaboration entre le projet franco-espagnol HIV Positive et le projet français Wired Brain. Thank you. swept the whole earth. Thank you. À Audiomatic, il s'agissait du duo Drift et sa composition Arc-en-ciel, qui est parue sur la compilation Interior Horizons de l'étiquette Interchill Records. Tout juste avant, on avait droit à la collaboration entre le projet franco-espagnol HIV Positive et le projet français Wired Brain de l'album Other Mystic Territories, sorti en 2002. Nous entendions la pièce Genocide in Lhasa Extended. À Audiomatic, nous entamons maintenant une longue séquence musicale de 25 minutes sur la musique du projet russe Rutov. Thank you. Thank you. Toujours à Audiomatique, c'était le projet Muslim Gaz de l'artiste Feu Bryn Johns. Nous entendions une version remixée de la pièce Zilim apparaissant sur l'album No Human Rights for Arabs in Israel de Remix, qui offre en fait des versions remixées de pièces se trouvant sur l'album No Human Rights for Arabs in Israel. Avant Muslim Gaz, nous écoutions le projet Tota Keke et la septième pièce sans titre de l'album On the 1st of November, paru en 2010. Et on amorçait la séquence sur la musique du projet Rutoff et la composition Straff se retrouvant sur le mini-album The Fourth Face, sorti uniquement en format vinyle 10 pouces en 2002. En conclusion de cette transmission 385 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous offrir la musique du musicien indien Ananda Shankar. Nous entendrons la pièce Streets of Calcutta de son deuxième album Ananda Shankar and His Music, qui est sorti en 1975. Les sonoristes reprendront le contrôle de la console mercredi prochain dès 17h afin de réaliser la transmission 386 d'Audiomatique en direct du studio de CFOU 89.1 FM. En plus d'être diffusé en direct sur les ondes et grâce à la plateforme d'écoute en ligne, il sera possible de la réécouter en différé en accédant à nos archives par l'entremise de nos profils facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc Ananda Shankar et la pièce Streets of Calcutta. C'était Audiomatique avec les sonoristes.